Et ben justement, on parle de ce fameux mot réinsertion. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça veut dire réinsérer? Moi, pour moi, c'est comme les gens qui viennent d'un pays, il faut les intégrer. Ils doivent s'intégrer dans la société. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est vraiment c'est un mot pensé par qui? Qu'est-ce qui a inventé ce mot débile? Voilà. On nous a sorti, on a commis des faits, j'ai commis un fait très grave, des faits très graves. Voilà, on m'a écarté de la société, j'ai été puni par la loi, par un tribunal, j'ai eu une sanction. J'assume cette sanction, je passe mes années en prison. Voilà, j'ai pas l'impression d'être sortie vraiment d'un système. On m'a coupée. Et si je me réinsère dans ma prison, je retravaille, je vais aux ateliers, je réalise des objectifs, je fais plein de choses et des choses personnelles aussi, comme de la musique, comme du dessin, comme j'ai ma petite vie ici en prison. C'est pas ma petite vie pépère, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais j'arrive à avoir une vie. Qui soit en harmonie, si je puis dire, avec moi-même, avec ce dont j'ai besoin au sein de la prison, pour tenir le coup. Parce que sinon, c'est fini, hein. C'est comme ça. La prison, c'est très dur. C'est très, très dur. Même si on peut dire que telle prison est mieux cotée, mieux étoilée qu'une autre prison, on est dans 9 mètres carrés. Et quand on se retrouve tout seul dans 9 mètres carrés, on revient d'un spectacle, on revient d'un préau, eh bien, on se retrouve tout seul avec soi-même. Et si on ne fait pas l'effort, on n'a pas appris à faire des choses pour se sortir de cette solitude et de ce truc de fin de journée de morosité, etc. Et on a envie de trouver quelqu'un, de parler, de faire n'importe quoi. Et parfois, ça arrive de sonner pour dire à un agent, je peux chercher de l'eau chaude pour nettoyer ma cellule, mais c'est simplement pour qu'il ouvre la porte et qu'il dise qu'est-ce que vous voulez, et c'est pour entamer n'importe quoi comme conversation. Ça fait du bien de prendre l'air 5 minutes hors de sa cellule aussi. C'est dur la prison, c'est pas simplement être enfermé, c'est tout l'impact psychologique aussi, c'est toutes les restrictions, même si on a les visites, même si on a une cantine, même si il y a des ateliers, même si on peut rencontrer des personnes de l'extérieur en prison, mais c'est horrible la prison, c'est dur. Après 10 ans, il y en a marre d'aller en prison, il y en a marre de la prison, c'est vraiment, ça sert à quoi? Ça sert à quoi?